¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais une chaîne pour attacher mon épinglette. Ton épinglette? Épingler mon âme. Voici la fleur. Une lettre. Et puis un peu d'argent pour ajouter à votre traitement. Thank you. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Prenez-nous par de ses vies, je vous en appelle. baisers sont à deux. Donc pour mes peignes compagnies, je vais de mon amour. Mon amour, il est odiable. Je l'ai mis à la manger. Seigneur, seigneur, car avec les soldats, il est torero, devait s'entendre. Pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ce jour de fête, le cirque est plein du haut en bas. Les spectateurs perdant la tête, les spectateurs s'interpellent à grand flacon. Apostrophe, crise et tapage, poussé jusque à la fureur, car c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Allons, on garde, allons, allons, oh, Torino. Toréador en garde, Toréador, Toréador. Oui, songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde et que l'amour t'attend, Toréador. L'amour, l'amour t'attend. On fait silence, à que se passe-t-il? Plus de cris, c'est l'instant, plus de cris, c'est l'instant. Le taureau s'élance en bondissant, bonditonnille. Il s'élance, il entre, il frappe, un cheval roule, entraînant un picador. Le brave taureau hurle la foule. Le taureau va, il vient, frappe encore. Ses banderilles, plein de fumeur, il court, le cirque est plein de sang. On se sauve, on franchit les grilles, c'est ton tour maintenant. Allons, on garde, allons, allons. Toréador en garde, Toréador. Toréador, oui, songe bien, oui, songe un combattant, qu'un œil noir te regarde et que l'amour t'attend. Toréador, l'amour, l'amour t'attend. Oh! pose un peu, Carmen, rien que moment, arrête. Et pourquoi, s'il te plaît? Il me semble là-bas. Oui, c'est son éclairon qui sonne la retraite. Ne les entends-tu pas? Bravo, bravo, j'avais beau faire. Il m'est bien entendu que de danser sans orchestre. Et vive la musique qui nous le compte du ciel. Carmen, c'est la retraite. Il faut que moi je rentre au quartier pour l'appel. Oh,

Thank you. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Je suis Escamillo, torero de Grenade. Escamillo, c'est moi. Je connais votre nom, soyez le bienvenu. Mais vraiment, camarade, vous pouviez y rester. Je ne vous dis pas non, mais je suis amoureux, mon cher, à la folie. Et celui-là serait un pauvre compagnon qui, pour voir ses amours, ne risquerait sa vie. Celle que vous aimez ici. Justement, c'est une tsingara, mon cher. Elle s'appelle... Carmen. Carmen. Carmen. Oui, mon cher. Elle avait pour amant, un soldat qui jadis a déserté. Pour elle, Carmen. Il s'adorait, mais c'est fini. Je crois les amours de Carmen ne durent pas 6 mois. Vous l'aimez cependant. Je l'aime. Vous l'aimez cependant. Je l'aime, oui, mon cher, je l'aime. Je l'aime la folie. Mais pour nous enlever nos filles de Bohème, savez-vous bien? Soit opéra, soit opéra. Et que le prix se paye à coup de navaja. À coup de navaja. Comprenez-vous? Le discours est très net. Ce déserteur, ce beau soldat qu'elle aime, ou du moins qu'elle aimait, c'est en vous. Oui, c'est moi-même. Je suis l'ami, mon cher. Je suis l'ami, mon cher. Et le tour est complet. Après ma colère, ce jour qui parle de ça. Il est ce que j'espère va bientôt couler. Après ma colère, ce jour qui parle de ça. Il est ce que j'espère va bientôt couler. Mettez-vous en garde, veillez, c'est beau. Mettez-vous en garde, veillez, c'est beau. Papy, pour qui tarde, parlez de vous. Mettez-vous en garde, veillez, c'est beau. Je la connais, ta garde navarraise. Et je te préviens, son ami, elle ne vaut rien. Patonaise, je t'aurais dit moins averti. À ce jeu de couteau, je suis trop fort pour toi. Voyons cela. Tout beau, ta vie est à moi. Mais en somme, j'ai pour métier de frapper le taureau, non de trouver la corde de l'homme. Frapper ou bien meurt, ceci n'est pas un jeu. Soit, mais au moins, respire un peu. Mettez-vous en garde, veillez, c'est bon. sua vue, Carmen, qui me souvie la vie. Monte à toi, beau soldat, nous sommes à manche-manche, et nous jurons la belle, oui, nous jurons la belle, le jour où tu voudras le prendre le combat. C'est bon, plus de querelles, nous allons partir. Et toi l'ami, bonsoir. Souffrez-moi, qu'avant de vous dire au revoir, je vous invite à tous aux courses de Séville. Je compte pour ma part y briller de mon mieux. Et qui m'a Regarde à toi, Carmen, je suis là de souffrir. En route, en route, il faut partir. En route, en route, il faut partir. Halte, quelqu'un est là qui cherche à se cacher. Une femme. Pardieu, la surprise est heureuse. Quelqu'un est là. Oh, ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tu sais que tu voudras, oh, tu m'entends, oh. Thank you.